Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Posséder la terre, oui, serait-ce le terreau des inégalités? D'ailleurs, qu'est-ce que la propriété? En 1840, l'anarchiste Pierre-Joseph Proudhon a une formule magique pour en donner une définition. La propriété, c'est le vol. Au 19e siècle, toujours Gustave Flaubert, lui aussi, parle de la propriété dans son dictionnaire des idées reçues. De la base de la société, il y a la propriété, la famille, la religion, le respect des autorités. En parler avec colère si on les attaque. De manière plus simple, la propriété est la possession légale d'un bien. Très bien. Mais qu'en est-il de la propriété de la terre? Oui, cette propriété, cette accumulation de la terre ne nécessite pas toujours de la travailler. Dès lors apparaît cette question d'inégalité. Julien Zurbach, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'École normale supérieure. Vous êtes spécialiste de la paysannerie grecque. Alors, formidable, parcourons la Grèce antique et même archaïque. La propriété est-elle une évidence? Oui. En tout cas, la propriété, c'est pas le vol. Loin de là. C'est même tout le contraire. Les sociétés grecques de l'époque classique, en tout cas, sont des sociétés de statut. Pour posséder la terre, il faut être citoyen et vice-versa. Il y a un lien très fort, avant même toute discussion sur des hiérarchies économiques, entre la participation politique et l'accès à la terre. Normalement, dans l'idéal, on la travaille soi-même, on défend sa cité et on participe au pouvoir politique. On est citoyen, soldat et paysan à la fois, ça va ensemble. La propriété est même sacralisée. On a bien loin d'Athènes, une petite inscription en Grèce centrale, des alentours de 500, où une toute petite cité, nous ne la connaissons pas, distribue à peu près 200 lots de terre, c'est énorme pour une cité de l'époque, et on dit que celui qui proposera de retoucher à cette distribution, de redistribuer la terre, sera traité comme un assassin, selon la loi sur les assassins. Donc oui. La propriété, c'est essentiel. La propriété est essentielle dans la Grèce antique et aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous allons mettre en place un dialogue improbable mais magique entre vous, Julien Zurbach, donc spécialiste de la propriété dans la Grèce antique, et vous, Nadine Vivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'Université du Maine, membre de l'Académie d'agriculture de France, et vous êtes spécialiste de la propriété, mais alors à une toute autre époque. Hein, vous êtes spécialiste de la propriété au XVIIIe siècle, XIXe siècle et XXe siècle encore. Dites-moi, je vous pose la même question. Est-ce que la propriété, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, était déjà une évidence? Allez, mettons-nous au XVIIIe siècle. Ah non, pas du tout. La propriété, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, elle naît justement à la fin du XVIIIe siècle. Elle est entérinée avec la Révolution. Moment essentiel de la Révolution française, effectivement, pour donner cette définition de ce qu'est la propriété. Un long voyage dans le temps aujourd'hui, dans le cours de l'histoire. Et nous allons commencer ce voyage par un petit tour à Mycène. Mycène. La rudesse du site évoque les acteurs d'une histoire pleine de bruit et de fureur. Agamemnon, le roi assassiné à son retour de la guerre de Troie. Clytemnestre, l'épouse adultère et criminelle. Égiste, l'usurpateur. Oreste, vengeur et victime. Électre, Antigone, Cassandre. Les lionnes sur la porte d'entrée dressent l'image d'une force redoutable. Voici la première sculpture monumentale sur le sol grec. Les murailles de Tirynthe traduisent le monde des envahisseurs. Les villes de Crète étaient ouvertes, ici tout se barde, se cuirasse de blocs entassés. Ce sont les murailles cyclopéennes, défensives et agressives. La Grèce, le palais, la citadelle présentée dans l'émission Terre des Arts en 1964. Ce petit tour à Mycène, Julien Zurbach, nous permet d'évoquer justement cette période extrêmement ancienne. Nous sommes plus de 10 siècles avant notre ère. C'est absolument gigantesque sur ce monde mycénien. Comment l'historien peut identifier cette notion de propriété? On n'a pas conservé tous les actes administratifs. Quelques-uns quand même. C'est ce qui est exceptionnel avec l'époque mycénienne, c'est que nous avons des sources qui, dans une certaine mesure, nous en disent plus sur la propriété foncière que les sources relatives à des époques plus récentes. Donc on est bien avant la Grèce classique qu'on évoquait tout à l'heure. Les textes mycéniens datent des 14e et 13e siècles avant notre ère, et ce sont, comme vous le disiez, des textes administratifs, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est nécessaire en fait à la vie du palais royal et donc à la levée des impôts, au calcul des taxes, etc. Et parmi ces textes, il y a des choses qu'on appelle des cadastres, qui sont des listes de parcelles en fait, et qui montre un système extrêmement complexe d'attribution des terres qui dépend à la fois du palais royal et d'une communauté rurale qui s'appelle déjà le damos, c'est-à-dire en fait le démos, le peuple ou la communauté locale de l'Athènes classique. C'est une époque qui se caractérise par la force de la communauté. Cette communauté rurale, que nous voyons tenir tête au palais parfois, possède des terres et les attribue. Presque la moitié des gens qu'on enregistre dans ces listes de parcelles détiennent leurs terres auprès du damos, de la part de la communauté rurale. Et il est certain qu'ils donnent une partie du produit de ces terres à la communauté rurale. Donc ça, c'est quelque chose de profondément original dans l'histoire grecque, que nous ne voyons qu'à ce moment-là, parce que la communauté ensuite va s'affaiblir terriblement. Justement, cette particularité nous permet d'évoquer ce qu'il y a ailleurs. Comment se passe la répartition des terres hors de ce cas particulier ? Ce cas particulier, oui. Dans ce monde mycénien, ce côté oui. Répartition des terres avec une prise en compte de la communauté. Donc c'est un système, on pourrait déjà dire, oui. d'impôts de répartition. Oui. On peut imaginer qu'il y a ailleurs, pas de répartition, c'est-à-dire une possession de la terre par une personne. Une possession de la terre par une personne. Alors cette personne, ça pourrait être le roi. Et on a souvent considéré, c'est vrai, que Mycène s'alignait sur ce qu'on imaginait être un modèle oriental, donc possession éminente de la terre par le roi. Mais en fait, il faut très bien distinguer ce qui est motif idéologique ou de propagande et ce qui est l'architecture juridique réelle du cadastre. Évidemment, le roi possède tout, comme le pharaon possède tout, comme les rois mésopotamiens possèdent tout, mais ça n'est pas opposable en justice. Ça ne vaut rien devant un tribunal. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que la communauté possède des terres, le palais certainement aussi, mais la communauté en possède, elle les attribue, et peut-être même qu'elle les redistribue régulièrement, selon un schéma qu'on connaît ailleurs à des époques plus récentes. Cette évocation de la redistribution permet de réfléchir à l'inégalité. S'il y a redistribution, c'est qu'il y a questionnement autour de l'inégalité. Là encore, je vous pose la question, Julien Zurbach, comment identifier l'inégalité ? Quelles sources nous montrent les niveaux de richesse, la possession des terres plus ou moins fortes selon les besoins ? Alors, à l'époque mycénienne, nous avons essentiellement des données sur la possession des terres. Un peu plus tard, à l'époque archaïque, et notamment au 7e et au début du 6e siècle, à l'époque de formation de cette société de statut dont on parlait tout à l'heure, à l'époque où se crée le lien entre la participation politique et la propriété de la terre, apparaît une crise sociale, économique et politique qui est visiblement fondée sur des problèmes liés à la terre. Mais ce qui apparaît en premier lieu, ce ne sont pas tant les problèmes de répartition des terres que d'autres problèmes qui sont évidemment liés, et notamment celui de la main-d'œuvre et celui des dettes. À la fin du 7e siècle, à Athènes, avant l'archonta du célèbre Solon, qui va mettre fin à tout ça, il y a très clairement des grands propriétaires qui ont besoin de gens pour cultiver leurs terres. Et que font-ils ? Ils utilisent la dette, probablement en argent, pour pousser des paysans à la situation un peu fragile à ne pas arriver à les rembourser et à finalement finir comme esclaves pour dette sur les terres d'autrui. Voilà. Il y a une transformation profonde de toutes les sociétés méditerranéennes au début de cette époque que nous appelons archaïque, donc au courant du 7e siècle, où des aristocraties qui certainement disposent de terres très étendues créent de la main-d'œuvre par ce biais-là. Est-ce que, Julien Zurbach, vous assistez à une concentration des terres entre des mains de plus en plus identifiables, celles d'aristocrates, qui nécessitent à certains moments justement une redistribution pour éviter le trop d'inégalités. Alors, pour répondre à cette question, il faut revenir un tout petit peu à la question des sources, qui est la question éternelle de tout historien. Nous n'avons plus les cadastres de l'époque mycénienne. Ce que nous avons, ce sont des poèmes composés à l'époque archaïque et puis surtout des traditions plus récentes chez Hérodote, chez Aristote, qui pensent et repensent ces épisodes fondateurs de la cité grecque. Il y a très certainement une concentration des terres au 7e siècle. C'est le fondement même du pouvoir des aristocraties de l'époque. Mais cela amène une crise profonde et c'est la crise dont sortent les cités grecques. Cette crise peut se résoudre de diverses manières. C'est d'abord le problème de la main-d'œuvre et ce problème-là peut trouver une solution toute simple à Athènes, c'est aller chercher des esclaves à l'extérieur plutôt que d'asservir ses compatriotes sur place. À Sparte, on fait encore plus simple, on asservit les voisins. Ce sont des guerres de conquête qui ont pour caractère essentiel la conquête de la terre et la conquête de la main-d'œuvre. C'est la création de ce qu'on appelle les îlots à Sparte. Cette crise a une autre solution qui est la frappe de la monnaie. C'est peut-être un peu surprenant, mais c'est le passage d'une monnaie de métal pesé, qui était celle de la dette archaïque, à une monnaie frappée par la cité, et donc d'une certaine manière mise en commun. Mise en commun où ? Sur un marché qu'on crée à ce moment-là, qui est un marché institué par la cité, contrôlé par la cité, et dont les fonctions essentielles sont évidemment d'assurer la circulation des produits agricoles et la circulation des esclaves qu'on va maintenant chercher à l'étranger. Ces questionnements de propriété de la terre, à qui appartient la terre, et de main-d'œuvre, parce que c'est pas la même chose, mais ça va de pair, parce qu'il faut bien exploiter la terre. Nadine Vivier, je me tourne vers vous. Ces questionnements, mais ce sont les vôtres aussi pour une toute autre période, donc le 18e siècle, le 19e siècle. Oui, bien sûr. Alors nous retrouvons quelques analogies avec ce que vient de dire Julien, mais beaucoup de différences surtout. L'analogie, c'est qu'effectivement, nous avons beaucoup de documents, énormément, et au 18e siècle d'abord, commençons par là, il y a les terriers. Donc tous ces documents qui donnent, souvent avec des cartes, qui donnent exactement la répartition des terres. Alors c'est très compliqué au moment du 18e siècle parce que c'est le droit d'ancien régime où se superposent des tas de droits de propriété sur une même terre. Vous avez la propriété éminente, qui est, en fait, c'est l'aboutissement du système féodal. La propriété éminente qui appartient au seigneur ou parfois au roi, ça dépend des pays, mais si nous nous concentrons sur la France, c'est au seigneur. Donc une propriété éminente qui est reconnue simplement par le fait que ceux qui cultivent la terre, eh bien, doivent payer un cens au seigneur. Et puis, il y a tous ceux qui ont la propriété utile, mais cette propriété utile, elle est parfois dissociée. Il y en a qui possèdent le sol, d'autres qui peuvent posséder les arbres qui sont sur la terre, par exemple. Donc, c'est fort compliqué. Et puis, en plus, sur ces propriétés de ceux qui cultivent, eh bien, il y a des droits d'usage. Alors, les fameux droits d'usage que sont l'avenpature, c'est-à-dire le droit des gens d'envoyer des bêtes sur les terres qui viennent d'être libérées par les cultures. Il y a aussi le glanage, le grappillage, etc. Donc, des tas de droits d'usage qui se superposent. Et tout ça, c'est reconnu dans les terriers. Ce qui est formidable, justement, à vous écouter, c'est que la notion même de propriété n'est pas la même qu'aujourd'hui. Nous avons en fait une définition très simple de ce qu'est la propriété aujourd'hui. Mais quand nous entendons que quelqu'un peut posséder un champ, mais l'arbre appartient à quelqu'un d'autre et l'autorité morale dessus appartient encore à quelqu'un d'autre, nous fait réfléchir sur ce qu'est cette propriété avec un regard sur le temps long de l'Antiquité à nos jours. Et bien justement, allons faire un petit tour dans la Grèce antique à la rencontre du paysan grec. Oh purée, regardez, il y a des mortels en train de balancer des trucs juste en bas de chez nous. Eh, mais c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que cette matière? Mais c'est de la merde. Moussaka. Les exploitants agricoles du Péloponnèse ont déversé hier 4000 tonnes de moussaka devant les grilles de l'Olympe pour protester contre l'arrêt des subventions au secteur. Ils réclament la reprise immédiate des négociations et demandent à être reçus par Déméter, la déesse antique de l'agriculture et des moissons. Bon, ben Déméter, je suis désolée, mais va falloir que tu t'y colles. Hein. Ça fait une semaine qu'on patauge dans l'aubergine, on n'a pas réussi à faire venir de plombier perse, ni Hercule, soi-disant occupé sur un gros chantier dans les écuries d'Augias. Alors il faut que tu négocies avec les syndicats. Oui, enfin j'ai déjà un emploi du temps de malade. Il faut que je m'occupe de la succession des saisons. On vient à peine de boucler le printemps que déjà je dois faire un prévisionnel pour l'été et l'automne. Alors les agriculteurs grecs, si tu veux... Déméter ? Bon, eh bien je crois que j'ai entendu vos revendications légitimes. Mais le problème principal aujourd'hui, c'est quand même la sécheresse. Ça fait 2 ans que les rendements agricoles sont affectés par le manque d'eau dans toute la Méditerranée. Alors pour tout ce qui est irrigation, ça ne relève pas directement de l'Olympe. Ça concerne plutôt les Titans. Je vais vous renvoyer directement vers nos services en région. Tenez, voilà les coordonnées du bureau qui pourra s'en occuper. Tétis. Oui, Tétis est la mère des 3000 dieux fleuves et des 3000 océanides. Depuis la réforme de décentralisation des services mythologiques, ce sont eux qui gèrent l'échelon local. Ah ben ok, merci alors. C'est bien naturel. Le paysan grec, présenté dans 50 nuances de grec de Jules, que nous aimons beaucoup. Justement, Julien Zurbach, alors nous entendons ici des revendications de paysans grecs. Peut-on dire que dans la Grèce antique, l'idéal peut-être pas atteint et que la propriété corresponde à celui qui exploite la terre? Ça, ce serait l'idéal dans une collectivité. Oui, c'est l'idéal et ce fut un idéal très fort. L'idéal du citoyen soldat de la période classique, que ça soit à Athènes ou dans d'autres cités, c'est effectivement que le citoyen possède la terre, la travaille, mais avec quelques esclaves, c'est quand même plus pratique, peut de ce fait avoir de quoi s'acheter des armes pour défendre sa patrie et éventuellement attaquer celle des autres. C'est un idéal qui a pris des formes paradoxales, parce que je vous disais au début que on traitait ceux qui, dans un cas au moins, celui qui voudrait redistribuer la terre comme selon la loi sur les assassins, dit le texte. C'est très fort. Et les cités de l'époque classique ont une hantise, c'est que quelqu'un essaye de redistribuer la terre. Ça, il faut surtout pas. Alors, évidemment, quand on dit que les inégalités foncières entre citoyens n'étaient pas énormes, que le citoyen le plus pauvre devait avoir quelques hectares et les plus riches quelques dizaines d'hectares, donc ça n'a rien à voir avec la grande propriété romaine, par exemple, il faut bien garder à l'esprit que il y a quand même cette hantise d'une revendication de redistribution des terres qui doit bien vouloir dire quelque chose quand même. Et cette revendication de redistribution des terres est très forte à l'époque archaïque. C'est une réaction à la propriété aristocratique du 7e siècle dont on parlait. Il y a à Athènes, par exemple, c'est très clair, une revendication radicale de redistribution égalitaire de toutes les terres. Et la grande force de Solon, et ce qui l'a rendu si populaire auprès des gens bien de l'époque classique, c'est qu'il a réussi à éviter ça, surtout. Et c'est une revendication courante à l'époque archaïque et qui revient ensuite à l'époque hellénistique, mais qui n'a pas dû cesser vraiment tout au long de l'histoire grecque, parce que quand on se défend contre quelque chose, quand on l'a tellement dans la tête tout le temps, c'est bien qu'il y a quelque chose derrière quand même. Oui, c'est très juste. Plus une loi est répétée, ça veut dire qu'elle n'est pas appliquée, elle n'est pas applicable, elle n'est pas respectée. Julien Zurbach, justement, dans cette question de redistribution des terres, nous avons un moment important, un angle de lecture de la Grèce antique qui est en parallèle de ce qui a longtemps intéressé, qui était le grand discours de réflexion sur la cité. Mais dans la construction de la cité, on peut être terre à terre, et regardez des choses vraiment très concrètes. La communauté s'appuie sur la terre et la cité est une vision, là aussi, comme une solution pour une répartition équitable des terres. Oui, tout à fait. La cité protège la propriété foncière, protège la maisonnée, l'oïkos qui exploite les terres, en tout cas quand il est citoyen, et elle est strictement fondée sur la propriété de la terre et, de manière même un peu plus large, sur ce que l'économiste Amartya Sen appelait l'entitlement. C'est-à-dire l'accès à la terre et à ses produits, et tout, en fait, une perspective très large qui n'est plus seulement celle de la propriété foncière au sens strict, mais celle de l'accès à la terre, à ses produits, aux moyens de la travailler, etc. Donc Amartya Sen a développé ça dans ses études sur les famines, et notamment dans un livre qui a maintenant presque 40 ans, et qui a beaucoup marqué les études économiques et historiques. En Grèce ancienne, ça marche très bien. Et c'est là qu'est le cœur de la naissance de la cité, à mon avis, le cœur des évolutions de l'époque archaïque. Si vous prenez le petit paysan chez Homère, il a sa terre, et puis c'est tout, et sa famille pour la travailler. Si vous prenez un citoyen d'Athènes ou de Sparte vers 500, à la sortie de l'époque archaïque, au moment où les cités sont constituées, il a la terre, c'est vrai, protégée par l'appareil juridique de la cité. Il a des esclaves, soit cherchés à l'étranger, soit des ilotes, il a l'accès à des marchés organisés, et c'est une perspective qui est extrêmement intéressante. Si vous regardez ce qui se passe en Inde aujourd'hui, pourquoi les paysans indiens se soulèvent-ils ? Ça n'est pas, pour le moment au moins, une question de répartition des terres, c'est une question d'accès à des marchés réglementés où ils peuvent vendre leurs produits à un prix assuré par l'État, en partie au moins. Et donc, ici, vous avez une perspective de producteur. En Grèce ancienne, c'était une perspective de consommateur. C'était arriver à trouver son blé quelque part, si vous me passez l'expression. Oui, parce que la question est toute simple, hein, s'il faut vivre. Il faut vivre, produire, manger et parfois s'enrichir, ce qui est un élément aussi très important dans cette question de possession de la terre. Et quand nous évoquons la propriété foncière par des aristocrates, la demande de répartition des terres, nous pensons tout de suite à la Révolution. Nadine Vivier, cette question des terres est essentielle. Il y a quelque chose d'intemporel. L'anachronisme n'est pas si fort au sens où le XVIIIe siècle est baigné de cette culture antique, de cette culture classique. Oui, ça c'est effectivement. Mais ce qui change beaucoup au XVIIIe siècle, c'est l'arrivée des physiocrates, de ce mouvement à la fois philosophique et économiste, des économistes, et qui veulent totalement changer la perspective. Jusque-là, c'était le mouvement du colbertisme, où on pensait qu'une nation était riche grâce au commerce international, hein, pour accumuler de l'or. Or là, les physiocrates pensent qu'il faut améliorer la production agricole, que c'est la principale source de richesse, et à ce moment-là, on s'intéresse énormément à la façon dont on va pouvoir augmenter la production agricole. Augmenter la production. Le problème est que... Pardon ? Allez-y, le problème. Bon, le problème est que il y a, à leurs yeux, d'abord, il faut absolument améliorer les productions sur les terres appropriées, mais il y a une grande partie des terres qui ne sont pas appropriées, enfin qui sont appropriées, mais en jouissance collective. Et donc, les physiocrates se disent qu'il faut absolument mettre ça en culture et le mieux possible. Pour que ce soit mis en culture, l'idée c'est que ça ne pourra être valable que s'il y a une propriété privée. Donc, il faut absolument supprimer la propriété collective. Les terres en jouissance collective. Et c'est de là que vient le grand problème des communaux à partir du milieu du XVIIIe siècle. Comment faire pour les mettre en culture ? Et on va arriver là à la façon, c'est tout à fait au cœur de votre réflexion aujourd'hui, c'est comment les partager pour qu'ils soient mis en culture correctement. Justement, cette réflexion peut nous conduire dans l'Antiquité. Julien Zurbach, est-ce qu'il y a des terres en commun dans cette Grèce antique ? Il y a des terres en propriété privée, mais est-ce que dans le cadre d'un territoire, il y a des terres mises en commun ? Oui, absolument. Absolument. Il y a des terres appartenant à la cité qui sont des terres publiques. Ça, c'est une chose, mais il y a surtout des terres communes au sens agricole. C'est-à-dire que dans une communauté rurale, que ça soit la cité elle-même ou un dème d'Athènes, un village d'Athènes, par exemple, il y a toujours, et c'est sans doute même l'immense majorité des terres, étant donné les conditions géographiques de la Grèce, des terres non divisées, non appropriées, et sur lesquelles on va faire paître les animaux, chercher du bois, et chercher des aliments sauvages aussi, etc. Oui, qui demeure essentiel à la vie de l'ensemble de la collectivité, cette possession de la terre qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, intéressait déjà aussi Aristote. Parmi les Spartiates, certains ont pu acquérir une richesse bien trop importante, d'autres en ont une bien trop réduite. Et c'est ainsi que la terre est tombée en un petit nombre de mains. Cela est dû aussi à ce que les lois sont vicieuses. Le législateur a certes rendu honteux l'achat ou la vente de la terre qu'on possède, en quoi il a bien fait. Mais il a donné possibilité à qui le veut de la donner ou de la léguer. Un extrait de la politique d'Aristote lu par Olivier Martineau avec cette question Julien Zurbach. Ici, il y a une portée, on va dire simplement d'analyse législative de la possession de la terre, voire politique, mais même une portée beaucoup plus vaste. Il y a une critique du système spartiate. Comment est observée la possession de la terre dans la Grèce antique ? Longtemps, on a pensé que Sparte était une exception. Une bande de soldats au front bas, régnant sur des masses d'esclaves et incapable même d'utiliser la monnaie. Ça n'est sans doute pas tout à fait vrai. Le contrôle de la propriété privée, le jeu sur les conditions de la propriété privée, c'est une caractéristique de toutes les cités grecques, de la cité grecque en tant que telle, par-delà toutes les variations qui peuvent exister entre les différentes cités grecques. Dès l'époque archaïque, à Sparte, on va assez loin dans cette restriction communautaire de la propriété privée. D'abord, on a des esclaves qui sont des ilotes et qui sont donc qu'il est interdit de vendre au moins à l'étranger, qu'on peut éventuellement échanger entre Spartiates, mais dans des cas bien précis. Et il est probable que Aristote a raison et que on ne peut pas vendre la terre. Alors il dit ça sert à rien d'interdire de vendre la terre si on peut l'échanger. C'est sans doute pas faux, sans doute que le système spartiate avait des failles qui ont été exploitées par certains et qui ont amené une concentration des terres à la fin de l'époque classique. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que s'il y a un enseignement de l'histoire grecque, c'est bien que la propriété privée, même la propriété la plus individuelle qui soit, est toujours quelque chose qui fonctionne selon des règles collectives. C'est pas un idéal, c'est pas une revendication, c'est un fait, c'est comme ça. C'est ainsi que cette propriété construit en fait le monde social de la Grèce antique. La propriété est phénomène de distinction, c'est-à-dire qu'elle est là, elle est nécessaire pour vivre, pour cultiver, pour nourrir soit sa famille, ce qui est essentiel. Mais par l'accumulation, il y a déjà cette volonté de distinction qui est une caractéristique à travers les siècles, accumuler la terre. Oui, absolument. À quoi sert l'accumulation de la terre ? Alors, à l'époque archaïque et puis à des époques plus récentes aussi, accumuler la terre, ça sert d'abord à assurer une place économique dans la cité, c'est-à-dire à faire partie des riches. On vient de citer Aristote. Aristote a une lecture de l'histoire sociale des cités grecques qui oppose constamment deux groupes, ce sont les riches et les pauvres. Et là encore, les historiens cherchent les classes moyennes, les gens de conditions moyennes, mais il doit bien y avoir quelque chose derrière cette bipolarité. En démocratie, dans l'Antiquité, les riches sont très contrôlés. On leur impose des liturgies, des contributions exceptionnelles aussi. Les liturgies, c'est simplement prendre à sa charge, sur ses finances propres, une dépense qui est faite pour la cité. Il y en a deux essentiels à Athènes, c'est payer des pièces de théâtre pour ses camarades citoyens et construire des vaisseaux de guerre. Donc ça reflète bien les conditions de la démocratie athénienne à l'époque classique, mais aussi toujours cette idée que la propriété privée, la richesse privée, si importante fut-elle, est sous le contrôle de la volonté collective. L'importance de la volonté collective, du collectif dans la Grèce antique, avec toujours ce regard que nous devons porter sur celui qui est au cœur de ses préoccupations, c'est le pauvre laboureur. Le pauvre laboureur, il a bien du malheur. Du jour de sa naissance, l'est déjà malheureux. Qu'il pleuve, tonne ou vente, qu'il fasse mauvais temps, toujours l'on voit sans cesse le laboureur au champ. Il n'est ni roi, ni prince, ni duc, ni seigneur, qui ne vive de la peine du pauvre laboureur. Le pauvre laboureur, chanté dans le téléfilm 1788 de Maurice Felwick, ce téléfilm qui évoque la veille de la Révolution française. Dites-nous, Nadine Vivier, toutes ces réflexions que nous avons sur la possession de la terre, sur les inégalités. Il y a ce moment extrêmement particulier de la Révolution française en 1789. Quelle est cette rupture majeure? Parce que nous avons l'idée que la terre appartenait au seigneur. La propriété d'Ancien Régime, à quoi ressemblait-elle? Alors, nous l'avons dit tout à l'heure, elle était très complexe, et surtout, la question qui arrive au premier plan, à partir de ce moment-là, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, qui va posséder la terre pour pouvoir la rendre productive? Alors, c'est d'abord une question, comment rendre la terre plus productive. Donc, toutes ces terres, c'est assez important, hein, ça peut monter à un cinquième de la, presque un cinquième de la, du territoire, ces terres qui sont en jouissance collective. Donc, on veut les partager. Et c'est là où la question du partage répond parfaitement à notre interrogation d'aujourd'hui et est passionnante. En fait, c'est d'abord une question économique, mais très vite, ça devient une question fondamentale d'organisation de la société. Et c'est là où on va s'interroger sur le pauvre laboureur. Alors, d'abord, on pense que c'est une question économique, je dis, donc on va se dire, eh bien, comment partager ces communaux? On peut les partager au profit des plus riches, parce que, donc au prorata de la propriété, parce que les propriétaires, ils ont les moyens. Sans doute, on pense aussi qu'ils ont les connaissances et ils vont pouvoir mettre en culture. C'est ce qui se passe, par exemple, en Angleterre. En Angleterre, où le phénomène des enclosures est bien connu. Et là, c'est partagé au prorata des terres. Donc, en fait, c'est le seigneur qui s'enrichit, prend une bonne partie des communaux et enclos pour pouvoir faire des nouvelles cultures, en particulier les raves, les plantes fourragères. Mais ça passe mal en France, certains s'y opposent et s'interrogent, est-ce que vraiment on peut partager au profit des riches? Dans bien des cas, on sent des tiraillements. Et c'est à ce moment-là que le roi, donc Louis XV d'abord, puis Louis XVI, s'interrogent et se disent, mais voyons, est-ce que c'est si bien que ça, le modèle anglais? Parce que le modèle anglais, on a toujours trouvé que ce que faisaient les Anglais, enfin, à partir de ce moment-là, on trouve que le modèle anglais est génial, donc on essaie de le copier. Alors, est-ce que les enclosures, c'est si bien que ça? Et ils commencent à s'interroger parce que, oui, du point de vue agricole, ça a l'air très bien, mais du point de vue social, eh bien, ça n'est pas évident. Parce que vous voyez que partager au profit des riches, eh bien, ça ne remet pas du tout en cause les structures de la société. Ça peut passer. Hein. Sauf que cette structure de la société, elle commence à être mal acceptée par tous les philosophes, hein, et les idées qui se répandent. Donc à ce moment-là, on va se dire, eh bien, il faudrait partager de façon plus égalitaire. Dans certains cas, et je crois que c'est en Toscane, on va même penser à aller jusque-là, à partager ces terres uniquement au profit des pauvres. La plupart du temps, et c'est ce que préconisera Louis XV, partager par ménage, partage égal entre tous les ménages. Et là, vous voyez que c'est quelque chose qui va contre l'organisation sociale de l'époque. Hein, puis si on donne à tous les ménages la même chose, donc aux riches et à celui qui n'a pas du tout de terre, eh bien, ça va contre l'organisation habituelle et c'est un ferment révolutionnaire. Et justement, dans cette réflexion partagée entre les plus riches, pour les plus pauvres, comment lutter contre les inégalités, il y a quelque chose qui nous permet une réflexion sur le temps long. Julien Zurbach, les Grecs de l'Antiquité ont été confrontés à des questionnements du même type sur la répartition des terres. Y a-t-il soulèvement évident au moment de la répartition avec ces mêmes questionnements? Faut-il partager pour les plus riches, pour les plus pauvres? Quelles conséquences sociales? Oui, c'est tout à fait notable à l'époque archaïque notamment. Solon dit explicitement dans un des fragments qui sont parvenus jusqu'à nous qu'il s'est refusé à donner aux gens bien et aux gens modestes la même part de la terre de la patrie. Donc la cité grecque, de toute façon, pratique une égalité qu'on appelle géométrique et pas une égalité arithmétique. Donner la même chose à tout le monde, ça va pas. Il y a des gens bien, on peut traduire comme ça plusieurs expressions grecques, il y a des gens qui ne le sont pas, et tout le monde n'a pas la même part au pouvoir politique et à la terre. C'est concrètement illustré dans la pratique du système censitaire qui a des niveaux de richesse différents, fait associe des niveaux de participation et de devoirs politiques et militaires différents aussi. Et pareil, hein, Nadine Vivier, cette réflexion antique qui est essentielle, nous l'entendons bien, sur la participation militaire, alors physiquement ou alors en donnant de l'argent, vous l'avez dit, hein, Julien Zurbach, pour aider à construire un bateau, cette notion de participation politique, Nadine Vivier, se retrouve également quand il est question de la répartition des terres, de la possession de la terre, de la contribution à l'enrichissement de la nation par son travail. Dès lors, puis-je participer à la vie politique? Oui, alors en particulier au XIXe siècle, effectivement, quand il y aura eu la révolution qui aura donné le droit de propriété qu'ils appellent absolu, hein, propriété absolue à chacun. C'est pour ça que les gens du XIXe siècle en France sont tellement attachés à la propriété, eh bien, le droit de vote sera donné aux propriétaires, donc suffrage censitaire lié au paiement de la taxe foncière. Et on peut le retrouver déjà avec la loi qui a été votée le 10 juin 1793, qui encourageait, et même plus, hein, qui encourageait très fortement au partage des biens communaux. L'idée, à l'époque, nous sommes en pleine période de paroxysme révolutionnaire, l'idée est de partager de façon totalement égale entre tous les hommes et même toutes les femmes, ce qui, quelques temps plus tard, disqualifiera cette loi. Donc l'idée en 1793 de partager les biens collectifs, eh bien, c'est de faire en sorte que on puisse produire beaucoup plus, mais aussi de faire en sorte que les gens qui auront eu une part, donc seront devenus propriétaires, eh bien, ils seront attachés à la République. Donc, c'est aussi une notion politique. C'est de là que vient l'idée d'avoir de la petite propriété française pour en faire des républicains. Voilà, en faire des républicains, chose essentielle au XIXe siècle, la notion de république. Eh bien justement, nous allons sur la république, pas la première Nadine Vivier, non, la deuxième république, nous sommes en 1848. sur cette terre du Périgord, nos pères ont été écrasés par les Nansacs. Ils s'en sont libérés. Mais ce qu'ils ont gagné par la Révolution, Nansac nous l'a repris peu à peu. Il a fait de nous des troupeaux. Montrons-lui que nous sommes des hommes libres, forts de leur dignité, de leurs droits et de leur rancune. Et comme l'ont fait nos pères avant nous, révoltons-nous. On est bien d'accord, mais s'attaquer à lui, c'est cracher au soleil. Non, il a le pouvoir pour lui. Mais nous aurons la force que nous donne notre justice. Tu sais, Jacou, il en a coûté cher à ton père pour s'être révolté. Mon père était seul, lui. Mais les temps ont changé. Nous ne sommes plus en 1815. Et partout, nombreux sont ceux qui pensent comme nous. Que ceux qui n'ont rien à venger rentrent chez eux. Que ceux chez qui Nansac n'a rien volé, chez qui Nansac n'a rien tué, s'en aillent. Ils sont libres. Je suis avec toi, Jacou. Alors nous allons dans cette paysannerie du 19e siècle, dans cette colère qui conduit notamment à la République en 1848. Là, nous nous trouvons dans les années 1830. Enfin, c'est Jacou le Croquant que nous avons tous aimé dans la série télévisée ou dans le roman de Eugène Leroy. Nadine Vivier, cette paysannerie, cette réflexion que peuvent avoir les paysans sur la possession de la terre est un élément politique au 19e siècle. Absolument, absolument. Puisque je l'ai rappelé tout à l'heure, au XIXe siècle, la propriété dite absolue depuis le Code civil, eh bien, c'est quelque chose à quoi les Français sont vraiment viscéralement attachés. Alors, c'est toujours moqué des paysans parce qu'on dit ils essaient de donner tout. D'économiser pour acheter de la terre, mais la terre, pour eux, c'est leur instrument de travail. Ils en ont absolument besoin, parce que sinon, ils n'osent pas investir pour améliorer leur terre, produire plus, parce qu'ils ne savent pas si, dans 5 ans, et souvent les baux étaient plus courts, s'ils pourront continuer à cultiver leur terre. Alors, les paysans tiennent à la terre, mais les bourgeois qui se moquent de cet appétit foncier des paysans, eh bien les bourgeois tiennent aussi à la terre et il y a une concurrence terrible entre les deux. Sauf que à partir de donc la révolution de 48 marque un moment, une sorte de tournant, parce que là on veut encore obtenir des terres, mais après, peu à peu, sous le Second Empire, grâce à l'industrialisation, les bourgeois trouvent que ça devient beaucoup plus intéressant d'investir dans les industries, dans les constructions urbaines, plutôt que dans la terre. Et peu à peu, ils mettent leur... Alors, ils continuent à garder, bien sûr, une bonne partie des terres, mais ils n'investissent plus beaucoup, ils investissent plutôt dans l'industrie, à la bourse, etc. Pendant ce temps, les paysans, eux, peuvent investir dans la terre, en acheter. Et c'est ainsi que, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, eh bien, vous avez une multiplication des petites cotes. Les paysans achètent des terres. Et c'est là que, au début de la Troisième République, on a cet imaginaire de la petite propriété paysanne. Et c'est très amusant de voir, par exemple, que dans les enquêtes agricoles de la fin du siècle, eh bien, on a tellement dit que la France était un pays de petits propriétaires, ceux qui concluent l'enquête se disent « mais c'est étonnant, il y a quand même beaucoup aussi de grandes propriétés ». Donc, vous avez un équilibre entre grandes propriétés dont on parle peu et petites propriétés. Et justement, dans cet idéal antique, ce regard que longtemps ces gens du 19e siècle ont porté sur l'Antiquité, il y a l'image absolue d'Athènes où il y a la petite propriété. Eh bien, vous, Julien Zurbach, quand historien, vous regardez avec les sources l'idéal athénien, cet idéal est à nuancer, un peu comme la surprise qu'évoquait Nadine Vivier sur cet écart entre la petite propriété. En fait, non, il y a encore d'immenses propriétés. Oui, tout à fait. Ça n'a certainement pas l'échelle de ce qu'étaient les inégalités foncières et les inégalités d'accès aux produits de la terre au début de l'époque archaïque, au début de l'histoire des cités. Ça n'a pas non plus grand-chose à voir avec ce que sera l'inégalité foncière sous l'Empire romain. Ça, c'est certain. Mais à l'échelle d'une cité grecque, les différences sont tout à fait notables. Toujours entre citoyens, bien sûr, parce qu'il y a d'abord cette question du statut. Il y a d'abord ceux qui peuvent participer et ceux qui ne participent pas du tout. Ceux qui ne participent pas du tout, et ce qui apparaît concrètement, Nadine Vivier, pour au moins le cas français, puisqu'il faut bien faire un focus avec le cens. Ceux qui payent le cens, c'est-à-dire l'impôt, peuvent voter. Et là, de manière concrète, l'enrichissement et la possession de la terre est signe de possibilité d'action politique. Ah oui, absolument. C'était uniquement ceux qui possédaient la terre qui pouvaient voter, ceci entre 1815 et 1848, avant l'instauration du suffrage universel, mais même sous la Révolution, la plupart du temps, enfin ça a varié, hein, mais la plupart du temps ne pouvaient voter que ceux qui payaient un impôt. Avec... Donc, dans le sens, l'impôt payé par les commerçants, comme la patente, n'a été intégré que sous la monarchie de Juillet, donc après 1830. Hein. Donc, c'était vraiment la terre. Ce qui est frappant aussi, pour notre sujet, là je dévie un petit peu, mais ce qui est frappant, c'est que Julien parlait tout à l'heure de la hantise de redistribuer la terre. Eh bien, là, quand je vous parlais de du partage des biens communaux, où on veut redistribuer ces terres, au même moment, on dit que il sera interdit de faire une loi agraire. Donc, on retrouve encore la même hantise chez nous d'un partage des terres qui sont déjà appropriées. Ça, c'est une véritable hantise. Il ne faut pas toucher à la distribution de la terre, sinon on touche à l'organisation de la société. Eh bien, écoutez, hantise de la redistribution, surtout quand il s'agit des biens communaux. Et d'ailleurs, quelle place pour les biens communaux et puis la propriété sacrée. Toute cette réflexion qui nous a conduit de l'Antiquité à aujourd'hui, ben grâce à vous, Julien Zurbach. Je rappelle, Les hommes, la terre et la dette en Grèce, ou encore avec François Le Rouxel, Le changement dans les économies antiques. Ce sont vos ouvrages. Et vous, Nadine Vivier, Propriété collective et identité communale, les biens communaux en France, 1750-1914. Ah, ça pourrait aller plus loin, tiens, vous allez faire un autre volume, ou encore avec Marie-Danielle Demelas et Nadine Vivier, vous, Nadine Vivier, Les propriétés collectives face aux attaques libérales, 1750-1914. Voilà aussi, ça pourrait aller plus loin. Merci beaucoup à tous les deux pour ce panorama de la propriété, et on arrive tout de suite avec Anaïs Kien dans le journal de l'histoire. Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire, l'autopsie d'un habit. Nos vêtements portent notre histoire, et parfois de manière tragique avec l'opération du musée Galliera qui a fait autopsier le costume d'un certain Louis-Bernard Bonjean, mort pendant la Commune de Paris en 1871. Prendre les mesures pour se faire une idée de la stature de la victime, évaluer la qualité des tissus utilisés pour comprendre à quelle classe sociale son propriétaire appartenait, s'agit-il d'un costume sur mesure ou d'un article de confection plus populaire distribué dans les grands magasins qui font leur apparition sous le Second Empire, le dernier régime monarchique qui s'effondre quelques mois avant la Commune de Paris. L'autopsie de cette dépouille de textile a toute une histoire à nous raconter. Ce qui saute aux yeux, ce sont les impacts de balles, indice d'une mort violente extraordinaire qui tranche avec ce costume noir typique de son temps. C'est la constatation de Philippe Charlier, médecin légiste, archéologue et anthropologue, qu'il a analysé avec ses étudiants pour en retracer l'histoire et poursuivre l'éclairage d'un épisode tragique de l'insurrection parisienne. La Commune de Paris a été écrasée dans le sang par l'armée, avec un bilan humain dont les chiffres sont en constante réévaluation. La Commune a perdu la bataille militaire et ce sont essentiellement ses vainqueurs qui en ont écrit l'histoire pendant des décennies, un exercice de stratégie politique qui a su criminaliser ce gouvernement insurrectionnel qui revendiquait l'expérience inédite d'une démocratie vraiment directe. Une légende noire des communardes et des communards a donc été élaborée, peuplée de ces gardes nationaux hirsutes et avinés et de ces pétroleuses, ces femmes incendiaires qui n'ont pourtant jamais existé. Une légende noire, mais aussi quelques vérités dont Louis-Bernard Bonjean, porteur du costume le jour de sa mort, est une victime. L'homme faisait partie des otages que la commune détenait pour protester contre la répression extraordinairement violente des troupes versaillaises. À la fin de la semaine sanglante, le 24 mai 1871, dans les dernières heures désespérées de cette guerre civile, une partie de ces otages sont exécutés à la prison de la Roquette. Louis-Bernard Bonjean figure parmi les victimes, avec l'archevêque de Paris Darbois et d'autres hommes d'église. Les 6 impacts de balles qui ont percé l'étoffe, la nature des taches qui ont maculé le tissu à déterminer, une stature sociale et des manières de vivre habillées à la fin du XIXe siècle, autant d'indices pour éclairer l'histoire d'un des épisodes les plus sanglants de l'histoire parisienne. Une autopsie qui n'est qu'un début dans l'exploration de l'histoire de la Commune de Paris, largement convoquée depuis une dizaine d'années par les mouvements étudiants, dans les ZAD, sur les ronds-points des Gilets jaunes et dans les débats sur la revitalisation de la démocratie. Le cadavre de la Commune bouge encore, alors que l'on célèbre cette année son 150e anniversaire. C'est peut-être à l'autopsie de l'histoire de la République à la française qu'elle nous conduira. Peut-être. Merci beaucoup Anaïs Chien. Le journal de l'histoire est à retrouver sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Élise Leu, une émission préparée par Anne-Toscane Viudas, Marion Dupont, Odile Joëssel, Valentine Lovrens et Maïwenn Guizhou. Cette émission ainsi que toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'application Radio France. Demain, l'impôt. Oui, l'impôt peut-il nous sauver des inégalités ?